Toujours à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, le conseil législatif de la province d'Ayacucho du Venezuela lui a conféré l'ordre du colonel José Joaquín Beloes, ordre suprême du conseil. L'assemblée générale commémorative du conseil pour transmettre l'ordre a eu lieu le 10 février à la salle de réunion Hugo Rafael Chavez Prias. Y ont participé les membres du conseil, les personnalités de divers partis et organisations et plusieurs centaines d'habitants de ce pays. Y ont été invités l'ambassadeur coréen et son collaborateur au Venezuela. Lors de la réunion, on a adopté la résolution du Conseil sur le décernement de l'ordre du colonel José Joaquín Beloes, ordre suprême du Conseil législatif de la province, au camarade Kim Jong-il, secrétaire général du Parti Travail de Corée, président du Comité de la Défense nationale de la République populaire démocratique de Corée et éternel leader du peuple coréen, à l'occasion du 75e anniversaire de sa naissance. Le président du Conseil a transmis à l'ambassadeur coréen l'ordre et le texte de résolution.